C'est le bordel. Thank you. Corte el solo. Après, je sais pas, casse 15. Thank you. commencé à bosser. On essaye de mettre une bête. Moi, j'ai voté. Hein. Qu'est-ce qu'il faut voter? On est à 100. On est à 100. Tu veux faire voter combien? Ah. Thank you. l'autre joue. C'est pas ma chance. Moi ça marche pas, moi je vote ça marche pas. Parce qu'il faut qu'on est plus nombreux sur ça, je crois. faut être plusieurs à voter, je crois. Ah non, 1 sur 2. Ah ouais, exact. Je recommence. 1 sur 2, voilà. À toi. À toi. C'est bon, on est en 64, c'est bon. Le BPM est à 128. C'est... C'est pas parti là. Oui, oui. Ok. Mais je sais pas si je vais pas me tromper dans les accords, hein. C'est pas grave, j'ai essayé. Là. Tu joues pas? Si on n'a pas le maître d'orchestre, le chef d'orchestre, le maestro, ça me dure, hein. Ah ça y est, il est prêt, il est chaud. Thank you. c'est long, 64. We'll be right back. il y a le bassiste, il a oublié de débrancher sa basse. Thank you.